équivalent sur les verrues. Incroyable. Voilà, on a fait le tour de la question, docteur Kirzek. Oui. À peu près. Hein, à peu près. Merci Elisabeth Assayag, merci docteur, c'est terminé pour aujourd'hui. On rappelle donc le répondeur de l'émission, hein, 39-21. C'est toujours 50 centimes la minute, oui, ça doit être ça. C'est toujours 39-21. 39-21, rubrique questions de santé, vous posez vos questions, vous nous laissez aussi des sujets d'émissions que vous aimeriez voir traités. Merci à tous, au revoir docteur, à demain. Merci Julie, merci à tous, rendez-vous 11h30 demain pour une nouvelle question santé, mais d'ici là, prenez soin de vous. C'est ce qu'on va faire, et on accueille tout de suite Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Julie, ah bah aujourd'hui, alors je vous parlerai de cet Américain donc qui a racheté l'OM, de la crise du lait, et puis on a avec nous Léa Lando, David Azencot et Jean-Philippe Bizini, et j'appellerai aussi dans une jardinerie pour leur demander s'ils veulent offrir des sacs de terreau pour soutenir Cécile Dufour. Oh là là. Bon, ben on vous écoute tout à l'heure à partir de midi et jusqu'à midi et demi. Maxime Switek, c'est à vous. Bonjour, bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. Europe Midi dans une demi-heure, 12h30, 13h15, trois quarts d'heure pour faire le tour de l'actualité comme chaque jour. Et avec à la une aujourd'hui, le redressement fiscal du siècle. Le chiffre vient de tomber à l'instant. L'Union Européenne impose à Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'impôts. 13 milliards. Bruxelles considère que le géant américain a pris beaucoup trop de largesse avec les règles fiscales en Europe. En clair, Apple n'a quasiment pas payé d'impôts ces dernières années. En Europe, on y reviendra donc dans une demi-heure. À 12h30, également un chiffre sidérant. Sur la seule journée d'hier, 6900 migrants ont été secourus au large de la Libye. 6900, les associations humanitaires n'avaient tout simplement jamais vu ça et elles craignent que l'histoire ne se répète aujourd'hui. Vous entendrez leur témoignage dans une demi-heure et on essaiera de comprendre comment ce flot de migrants peut être pris en charge. La reprise des négociations entre Lactalis et les éleveurs, les deux camps discutent à nouveau depuis ce matin. La politique et la charge de Manuel Valls contre Nicolas Sarkozy. Et puis deux sujets beaucoup plus légers. D'abord Noël. J'ai bien conscience que c'est dans 4 mois Noël, Anissa. Oui. Mais on a déjà les tendances pour cette année côté des jouets. Oui, déjà, on vous racontera ça. Et puis Tintin, 70e anniversaire de sa naissance. Une grande expo va débuter dans un mois au Grand Palais à Paris. Et on va se demander notamment si Tintin pourrait renaître. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous Anissa dans une demi-heure. Je vous rappelle l'horaire d'Europe Midi, 12h30, 13h15. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Maxime. En attendant, c'est Anne Roumanoff qui vous accompagne dans la joie et la bonne humeur avec toute son équipe sur Europe 1. Très belle journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est midi. Europe 1. Ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30. Mais c'est bon. Anne Roumanoff. Bonjour à tous et bienvenue jusqu'à midi 30. Ça pique, mais c'est bon. Nous sommes le mardi 30 août 2016, 243e jour de l'année. Nous fêtons les Saint-Fiac et les Sacha, deux prénoms heureusement disparus. Oh, bon anniversaire à Loana, Cameron Diaz, Laurent Delahousse et Geneviève de Fontenay. Elle est encore vivante. Ça suffit, Léa. Aujourd'hui, autour de moi, ce midi, pour vous accompagner pendant une demi-heure, une jolie brune piquante et complètement piquée, Léa Lando. Bonjour. Un chevelu hirsute et mal rasé, David Azencot. Bonjour. Un corse qui est parfois un peu au ralenti, Jean-Philippe Vizini. C'est moi. Aujourd'hui, David Azencot nous parlera de la parité homme-femme dans les primaires de la droite. Léa Lando nous racontera en chanson comment elle a vécu la canicule. On espère juste que ce n'est pas elle qui va chanter. Sous le vent. Non, tais-toi. Jean-Philippe Vizini a acheté un nouveau frigo. On lui a demandé de donner son avis utilisateur et ça l'a un peu perturbé. Complètement. Mais rien ne le perturbe, ce garçon. Quant à moi, j'appellerai un magasin de jardinage pour leur demander s'ils veulent bien offrir des sacs de terreau pour soutenir la candidature de Cécile Duflot. Anne Roumanoff. Non mais qu'est-ce qui se passe avec le lait en France? Même les vaches, il paraît que ça leur coûte de l'argent de se faire traire. Il paraît qu'il y a même des vaches qui ont vendu leur veau sur le bon coin pour se payer du foin. Les producteurs de lait en font tout un fromage et pour Lactalis, ça sent le lait caillé. Déjà avec la mode du bio, les bobos boivent moins de lait de vache. Pour Athéna, on prend du lait de soja. Et pour Sosten, on achète du lait d'amande parce que Sosten est intolérant au gluten. Et alors Stéphane Le Foll, le Harrison Ford du pauvre, n'en peut plus d'avoir une nouvelle crise agricole sur sa mèche. elle est obligée de mimer. Très visuel. Il paraît que la crise du lait, c'est la faute aux Russes, aux Chinois et à l'Union Européenne. Bref, c'est la faute à personne, mais c'est toujours les producteurs qui trinquent et les industriels qui boivent du petit lait. Moi, je trouve que Lactalis, ça fait pas laiterie, mais bactéries de la flore intestinale. Presque. Vous avez trop de Lactalis dans votre côlon? Il va falloir manger des fibres. Non, mais en tout cas, les éleveurs, Lactalis les fait bien chier. On a proposé aux éleveurs une augmentation de 6 centimes. 6 centimes le litre? Non, 6 centimes les 1000 litres. C'est vrai que ça fait pas lourd. 6 centimes les 1000 litres, ça fait combien en plus par litre, Jean-Philippe? Alors... Il suivait pas, Jean-Philippe. Non, c'est envoyé un mail la veille. Ouais, c'est un peu... Léa, ça fait Ça fait cher. Ça fait pas cher, non, 6 centimes. 0, moi, je suis littéraire, donc je sais pas. Ouais. Bon, bah, envoyez-nous la réponse sur Twitter. Parce que toi non plus, tu sais pas. Je compte sur vous. Je suis nulle en division, moi. Sinon, on a une bonne nouvelle pour les fans de foot. L'Olympique de Marseille a enfin été vendu par Margarita Louis-Dreyfus. Margarita, qui, comme son prénom l'indique, a toujours préféré les cocktails à l'ambiance des vestiaires. Le repreneur de l'OM est américain. Il s'appelle Frank McCourt. Enfin, à Marseille, on ne dit pas repreneur, mais souteneur. Un millionnaire américain à Marseille. Attention, ça n'est pas une nouvelle émission de télé-réalité. Ne confondez pas avec les ch'tis à Vegas. Lors de la conférence de presse, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a déclaré « Il va falloir mettre des sous, et puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. » Bienvenue à Marseille, Franck. Hein, à peine débarqué, déjà racketté. Ah, on dirait que sur la canne-bière, ils prennent l'américain pour une vache à lait. D'ailleurs, il paraît que Frank McCourt aurait déjà appris ses premiers mots de marseillais. What is in Yonkoulade? Frank McCourt a déclaré j'ai touché à tout, le foot, le basket, le tennis, le golf. À Marseille c'est pareil, hein, tout le monde veut toucher. Frank McCourt est l'ancien propriétaire des Los Angeles Dodgers. Wow. Oui, j'ai fait une tournée aux États-Unis, depuis je parle américain avec un formidable accent français. Non mais j'imagine déjà les commentaires sur la canne bière. Ce Franco McCourt, déjà, donne son nom à Mac. Il va s'acclimater rapidement. Et les promoteurs immobiliers, ça tombe bien. Nous, à Marseille, on investit beaucoup dans la pierre. Mais surtout la pierre tombale. Attention, méfiez-vous, parce que ce Frank McCourt n'est pas réputé pour son honnêteté. Il aurait détourné des millions de dollars des Dodgers pour financer son divorce. Oui, son divorce lui a coûté 20 millions de dollars. Quand je pense que j'ai des copains qui se lamentent parce que leur femme leur a piqué 50 000 euros de prestations compensatoires... Vous êtes des petits joueurs, les gars. N'empêche, le PSG au Qatar, l'OM aux Américains, Monaco aux Russes, l'OL aux Chinois, c'est plus un championnat de foot. C'est l'Assemblée Générale de l'ONU. Non, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, si t'es pas bronzé couleur caramel comme Léa Londo, on te dit « Oh, t'es pas bronzé, t'es pas parti ?» C'est vrai. Alors, surtout pour David qui est blanc comme un cachet. On a dû lui dire souvent. Je suis un vampire, moi, de toute façon. Mais t'es pas parti, David, pour l'instant. Vaguement, mais bon, ça marche pas sur moi, le soleil. Pas assez loin. Ouais. Alors, voici 10 phrases pour clouer le bec à ceux qui vous disent « T'es pas bronzé, t'es pas parti ?» Évidemment, je suis pas bronzé, excusez-moi de protéger ma peau, hein, et d'avoir un parasol qui fonctionne. Non, je suis parti, mais à Ibiza, et à Ibiza, tu bronzes pas, je veux dire, tu dors le jour, tu danses la nuit. Ouais, je sais, je suis pas trop bronzé, mais c'est de ma faute aussi, ça m'apprendra à vouloir essayer le burkini. Si je suis parti, mais tu vois, on a fait gaffe à pas trop sortir de la chambre avec Brad, à cause des paparazzi. Alors, si je suis pas bronzé, c'est parce que j'étais en vacances avec Jacques Seguela. Il m'a pris tout le soleil. J'avais plus de congé, alors j'ai dit à mon patron que j'étais malade. Du coup, j'ai dû passer mes vacances à l'ombre. Ben, en fait, je suis partie, tu vois, on était aux Seychelles 3 semaines, mais on n'est pas allé à la plage. Non, pas à cause du soleil, mais fallait surtout pas qu'Alex risque de bronzer. Non, il a pas d'allergie, là, contrôle fiscal. Non, je suis pas partie, j'avais du travail, moi. Hein, je partirai en septembre quand il y aura de la place sur les plages et que les hôtels seront moins chers. On se fait un resto ce midi? Ah ben non, t'as plus d'argent, toi, c'est vrai. Si, je suis partie en Tunisie. J'ai passé 2 semaines aux toilettes. Bon appétit. Non, mais j'ai de la chance, tu vois, il y a des tas de gens qui voudraient être aussi blancs que moi, mais qui ne seront jamais. Comme les Balkany, par exemple. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Alors, David Azencot, non seulement vous êtes blanc, mais en plus, il paraît que vous êtes féministe. Oui, c'est vrai, tout à fait. J'aimerais dire, carrément. J'aimerais dire, tout le monde devrait être féministe, hein, mais regardez les primaires à droite, il n'y a que des hommes. C'est bien simple, on se croirait dans un sauna à Mykonos. Alors, à l'heure actuelle, NKM n'a toujours pas ses 250 parrainages d'élus. Bon, Nadine Morano non plus, mais là, on comprend mieux. Hein. Personne n'a envie de désigner Gilbert Montagnier comme capitaine de soirée. Et pourtant, j'ai été voir sur le site de Les Républicains, j'ai beaucoup de mal à dire ça en fait, hein, c'est bien, c'est pas grammaticalement correct, on est d'accord, hein, on dit pas Nicolas Sarkozy a encore rendez-vous à le tribunal. Hein. Bon bref, NKM, elle se plaint déjà que les primaires sont un concours de taille de zizi. Hein, auquel elle participe. Ouais, ah oui. Non, mais, il faut en avoir. Hein. Évidemment, elle arrête pas de dire qu'il faut se faire greffer une paire. Hein. Et c'est vrai qu'à droite, il y a une tradition des femmes à poigne. Hein. Michel Alliot-Marie qui vendait des grosses matraques à Ben Ali, Christine Lagarde qu'on a envoyé au FMI punir les petits pays récalcitrants, et même Bernadette Chirac, alias Mamie Sadomaso, qui empêchait Jacques de reprendre de la Corona. Mais en fait, là où ça coince, c'est que NKM se plaint qu'on l'empêche d'avoir des parrainages alors que ses concurrents hommes en ont déjà trop. Hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'écureuil. Hein. On thésaurise, et à la fin, on a les noisettes qui pètent. Ouais. Le problème, c'est que la politique est aussi un jeu de séduction, et c'est vrai que les hommes sont plus forts à ça. Hein. Regardez Sarkozy, un meeting, c'est Cougarland, un peu comme ici d'ailleurs. Excusez-moi, c'est vrai. C'est pas une insulte. Je dis juste que quand Sarkozy arrive en meeting, on lui jette des bas de contention, des culottes d'amarre, voilà. Comme ici d'ailleurs. Attends, je te l'enlève, ouais. David. Attends, t'as une gaine sur toi. Non, et puis Sarkozy, il a le soutien des stars femmes, la sienne déjà, et puis aussi Ingrid Betancourt. Ingrid, hein, pas Liliane, je précise. Hein, parce que faut pas confondre la colombienne gâtée et la milliardaire gâteuse. Et c'est sûr qu'en face, on a Bruno Le Maire, hein, chez qui le truc le plus sexy, c'est d'être né en 69. Fillon qui aime bien faire broum broum broum dans les rallyes, et ce qui est pas très bon signe, hein, parce que si on en croit l'adage, grosse voiture, petite voilure. Et puis Alain Juppé, je ne juge pas, vous savez ce qu'on dit des chauves. Ah non, mais finalement, c'est triste à dire, mais à droite, le seul parti qui laisse une place aux femmes, c'est le FN. C'est triste, hein. Alors d'ailleurs, en passant, je rappelle que la fameuse phrase « Dis donc, Marion Maréchal Le Pen, elle est bonne quand même, je me la taperai bien », n'est pas une critique constructive du programme du FN. Du coup, voilà, j'espère que NKM les aura quand même, ces parrainages, parce que ça me ferait bien suer qu'au second tour des présidentielles, j'ai encore le choix entre deux burnes. Merci. Mais c'est bon. Vous n'avez pas le temps d'écouter les infos, vous n'y comprenez plus rien. Ne vous inquiétez pas, on est là. Voici les infos du jour compilées en moins de 30 secondes. Éducation, violence, communautarisme, Xavier Darcos a déclaré « On demande à l'école de vider la cuvette alors que personne ne sait fermer le robinet ». Une autre façon de dire qu'on est bien dans la merde. Réforme de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem a mis fin à la polémique sur les langues anciennes. On continuera à enseigner les langues mortes comme le latin ou le socialisme. Santé, bonne nouvelle mesdames, le citron permettrait de lutter contre la cellulite. Oui, il suffit d'en balancer dans les yeux de votre conjoint, ça pique, mais c'est bon. Télévision, parmi les candidats de Secret Story, cette année, il y a un homme qui auparavant était une femme qui a été enceinte. Voilà. C'est sûr qu'un ventre plein, ça va changer des têtes creuses. Hein. Cette année, dans Secret Story, les candidats ont tous un secret en commun. Ils ont un cerveau. Et apparemment, ils se le partagent. Bientôt, les chaînes D8, D17 et iTélé devraient respectivement s'appeler C8, C-Star et CNews. Il nous reste qu'à leur dire, c'est bien, mais c'est bizarre. Après les langues rares, Najat Vallaud-Belkacem veut bannir les Pokémon rares des écoles. Mais comment ils vont faire pour empêcher les Pokémon rares d'entrer dans les cartables? Je veux dire, ou alors ils vont fouiller, ou alors ils vont écrire... Non, en fait, ils vont écrire aux fabricants du jeu pour leur demander de ne pas mettre des Pokémon rares dans les écoles. Non, mais c'est pas comme s'il y avait d'autres urgences dans l'éducation en France. Vous avez rien compris, moi non plus. Alors on

Nous aussi, on adore les plantes. Je pense que si vous souhaitez... Mais là, vous compliquez. Ah. Il faut être plus simple, vous savez. On doit protéger la planète. Je vous demande juste un peu de terreau pour Cécile. Par exemple, vous me sortez 2-3 sacs de terreau parce qu'on va faire des meetings. On va mettre de la terre sur la scène pour que les gens... soit sensibiliser la planète, vous voyez, donc je cherche des sacs de terreau. Oui, non, je comprends bien, madame. Vous me prêtez des plantes, à la limite, je vous les ramène, madame, après. Je suis vraiment navrée. Pour décorer le meeting, vraiment, vous voyez. Je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir répondre positivement à votre demande. Oui, mais vous êtes navrée, mais moi, je cherche pour la planète, madame, je me bagarre. Je vais vous indiquer le numéro de téléphone du siège 2. Ouais. Je pense que vous aurez en face de vous des interlocuteurs. Ouais, mais c'est une machine, ça. C'est une multinationale. Et vous êtes un être humain. Moi, je vous parle de cœur à cœur, quoi. De femme à femme, de planète à planète. Madame, excusez-moi, je vais vous stopper 2 minutes, là, quand même. Ouais. Moi, je vous croise dans la rue. Excusez-moi, je suis un peu énervée parce que j'ai pris des tisanes au romarin ce matin. C'est excitant. Alors, moi, le souci, madame, c'est que là, vous m'appelez sur mon lieu de travail. Et moi, je suis salariée de cette entreprise. Et moi, à partir du moment où. Vous êtes victime d'une multinationale, quoi. Il faut vous libérer. Je pense que si vous vous adressez à eux directement, peut-être qu'ils vous orienteront sur mon magasin ou sur un autre magasin. Mais vous pouvez pas me sortir des sacs de terreau. Moi, personnellement, madame, je ne peux rien faire. Mais 3, 4, 5 et je vous donne un autographe de Cécile Duflo. Non, mais madame, je ne peux rien faire pour vous. Vous le vendez à combien, le terreau ? Ça dépend des sacs de terreau. Un gros sac. Ça varie de 5 euros à beaucoup plus cher. Donc, voilà, vous pouvez peut-être m'offrir, à titre personnel, un sac de terreau pour Cécile. Et à la limite, je récupère le terreau après le meeting. Je vous le remets dans le sac, ni vu ni connu. Quoi. Ouais, bon, écoutez, madame, moi je vais couper court à cette conversation. Ça me rend triste que vous coupiez court, quoi, parce que je ne suis pas une plante qu'on coupe. Quoi. Je suis un être humain, on est des sœurs. Oui, je comprends bien. Mais je vais on est sur la même planète. Je vais juste couper court à la conversation parce que j'ai un petit peu des clients qui m'attendent. Je suis désolée. Donc, je vous donne envoyer de la tisane que je fais moi-même C'est très bien. Vous voulez toujours pas donner de sac de terreau à Cécile ? J'ai plein de terre dans mon jardin, par contre. Ah, vous pourriez me faire un petit sac ? Si elle prend une petite pelle, elle peut venir creuser un peu de terre dans mon jardin. Je vais lui dire. Il faut que j'ai quelques mètres cubes à décaisser, donc ça m'arrangerait d'ailleurs. Cécile, elle donne de sa personne. Je veux dire qu'elle vienne ce week-end chercher de la terre chez vous. Ouais, super. Et je vous laisse mon nom si jamais vous voulez vous mobiliser pour Cécile. Allez-y. Alors, c'est Anne Roumanoff. D'accord. Et vous allez passer sur Europe 1. Bon, la paix soit avec vous. Merci beaucoup. Au revoir, la planète. Au revoir. Salut, la planète. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Roumanoff. Non, si des gens veulent donner du terreau, vous me faites livrer à Europe 1. Léa Londo, vous avez préparé une chronique chaude, il paraît. Ben oui, Anne. Ma chronique est chaude. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Non. Non, David, Jean-Philippe non plus ? Non. Le public non plus ? Non. Tant mieux. Finir par choper, là. Non, mais tant mieux, parce que je tenais vraiment à vous parler de cette canicule de la semaine et du week-end dernier qui s'est abattue sur nous comme un sumo. Un truc énorme, très lourd, résultat. On a étouffé, on a sué, on a pué. Voilà. Il y en a qu'un qui était content, c'était Patrick. Il fait chaud, il fait chaud. Et encore, s'il n'y avait eu que la chaleur, ça aurait pu aller. On se serait mis la tête dans le congélo, on aurait squatté les magasins Picard, ou on aurait fait l'éventail devant un ventilo. Mais le problème, c'est qui dit chaleur dit sueur, et qui dit sueur dit mauvaise odeur. Eh oui, donc je ne sais pas vous, mais dans le métro, moi je ne me suis pas gênée. Je me suis tournée vers celui qui apparemment était le seul à avoir le nez bouché. Et je lui ai dit clairement les choses. Ça se sent, ça se sent, ça se sent. Alors, heureusement, apparemment la SNCF qui a eu la bonne idée de distribuer des mini-ventilateurs et des bouteilles d'eau à tout le monde, pas loin du sans-faute pour une fois la SNCF, mais on attendait aussi donc une cargaison de déodorants, sauf que évidemment la livraison se faisait par un de leur train, alors on l'attend encore. En sortant de la gare samedi, du coup j'ai recroisé le mec du métro avec une bouteille d'eau et son mini-ventilo, tout firo, j'avoue c'était méchant, mais je lui ai dit « Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre ». En fait, nous, on a attendu qu'il fasse ce temps-là cet été, mais cette année, ce satané soleil, il a décidé de reprendre le boulot en même temps que tout le monde. Moi, je me souviens, en juillet, ma voisine a même cru qu'il était parti pour de bon et qu'il ne reviendrait jamais. Il est mort. Il est mort, le soleil. La pauvre, elle était en pleine dépression. Alors que toute la semaine dernière, elle n'avait eu qu'un seul mot à la bouche, c'est glaçon. Je veux un glaçon, t'as pas des glaçons. Je rêve de sucer un glaçon. Alors que moi, quand je vois une info, t'as fait ça. Elle a un bon accent. Hein, ouais. D'ailleurs, tu pourras me rendre mon sel, Anne, s'il te plaît. Moi, quand je vois un glaçon, ça me fait plutôt penser à mon régime. À chaque fois, je me dis si seulement je pouvais fondre aussi vite. Mais il n'y a pas que... Mais il n'y a pas que la température qui a été chaude fin de semaine dernière. Il y a eu Anne aussi. Et la rentrée... Au... Mais comme je peux pas tout raconter... Et il y a eu la rentrée audiovisuelle avec le grand retour de Secret Story. Alors chaque année, je me dis, il faut vraiment être fou pour accepter de rester enfermé autant de temps dans une maison. Mais quand j'ai su qu'à l'intérieur, il y avait la clim, je rêvais d'être candidate. Bon, mon seul moment d'émotion, c'est quand j'ai regardé The Voice Kids samedi soir. Je me suis dit, tiens, ce petit me file des frissons. Et non, en fait, c'était le ventilo. Sacré canicule. La bonne nouvelle, c'est que pour une fois, on a pu dire que notre président a mouillé le maillot. C'est quand même le comble de transpirer sans se faire suer. Alors heureusement hier tout allait beaucoup mieux, l'air frais est revenu et on n'a jamais été aussi content de voir des nuages. Ce qui est dommage d'ailleurs parce que Anne et moi on aurait bien vu les hommes du public. L'actualité politique a été chargée ces derniers jours. Au cas où certaines choses vous aient échappé, voici notre petit récapitulatif en 30 secondes. Littérature, après le succès de Calme et attentif comme une grenouille, sortie prochaine du nouveau livre de Nicolas Sarkozy, agressif et agité comme un teckel. Sortie d'un deuxième livre de confidences de François Hollande à des journalistes, il a tellement de conneries à confesser qu'il a fallu un tome 2. Littérature toujours, sortie en librairie du quatrième livre programme d'Alain Juppé. Et quatre livres, quatre pieds de table, c'est parfait. Avalanche de départs précoces dans les cabinets ministériels. Pour eux, en mai 2017, le choix, c'est Pôle emploi ou Paul Bismuth. Et d'ailleurs, le conseiller économique de Hollande repart dans une banque d'affaires. Lui, son ennemi, c'est pas la finance, c'est le chômage. En fait, quand on voit comme Hollande a grossi, on se dit que son ennemi, c'est surtout le financier. Europe 1, Anne Romanoff. Alors, je vous présente le chroniqueur le plus tonique de cette émission. C'est une boule d'énergie. Il en faut pour tous les goûts. Oui. Donc, Jean-Philippe Vizini, vous avez acheté un frigo. Oui, oui, j'ai acheté un frigo. On doit rendre l'antenne à 12h30. Hein. Alors, j'ai acheté un frigo chez Darty. Vous connaissez Darty? Ouais. Alors, maintenant, il faut savoir, quand tu achètes un frigo chez Darty, tu deviens coach en frigo. J'explique un peu, c'est-à-dire, si un gars, il a acheté le même frigo que toi, sauf que lui, son frigo, il marche pas. Et ben après, il t'envoie un mail pour que toi, tu lui donnes des conseils pour réparer son frigo, tu vois. Toi, t'achètes un frigo et le lendemain, ça y est, tu bosses au SAV. Non mais c'est vrai, il s'emmerde pas parce que on est clients, nous. Et ben c'est quand même à nous de faire le boulot. Moi, à la poste, avant... Pour envoyer un recommandé, j'arrivais à la poste, je donnais à la guichetière, et elle s'occupait de tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a une machine. C'est moi qui... Ben oui, c'est vrai, tu crois que je dis des conneries, moi? Il ne ment jamais. Je suis pas ici pour raconter des conneries. La machine, il faut le peser tout seul. Il faut imprimer tout seul. T'as le bord... Moi, en plus, j'y comprends rien, tu vois. À la prochaine étape, à la poste, j'arrive avec mon courrier, il me donne un vélo. Allez, allez. C'est bientôt, tu prends l'avion. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de ce Boeing 737. Aujourd'hui, pour le piloter Michel, il connaît rien, mais il a déjà fait Paris-Nice avec nous la semaine dernière. Bon vol. Non mais c'est n'importe quoi, c'est dangereux. À l'hôpital, excusez-moi, quel est le chirurgien qui va m'opérer? Aucun, c'est Jean-Claude. Il sort juste d'une gastro. Allez, fermez les yeux, comptez jusqu'à 10. C'est n'importe quoi. Et au foot. France-Allemagne, Didier Deschamps. Griezmann, tu sors. Le petit gros dans le public avec son sandwich. Vas-y. Allez, bleu. Attends. Non, chacun son métier, tu vois, on n'est pas des pros. Alors, des fois, c'est l'inverse. C'est le professionnel qui devient client. Vous allez voir, c'est subtil. Enfin, François Hollande, il s'est présenté comme le spécialiste pour le chômage. Et dans quelques temps, il va être